Chapitre 25. Le non-dit. Quand Ophélie quitta l'ascenseur de la chambre froide, Lady Septima l'attendait. « Vous avez traîné. Dépêchons-nous, apprenti. » Comme chaque fois, elles traversèrent ensemble les galeries circulaires du secrétarium. Ophélie s'efforçait de ne pas trahir l'excitation qui lui donnait envie de courir jusqu'à Thorne. Elle ne put retenir un regard vers le globe décoratif qui flottait en apesanteur au milieu de l'atrium. Ce soir, l'ancien monde lui avait révélé une infime partie de ses secrets. Lady Septima entra dans la salle de l'ordonnateur et remit l'expertise à Thorne sans se soucier de l'interrompre au milieu de ses branchements. En temps normal, Ophélie se contentait de baisser les yeux, pas cette fois-ci. Elle le fixa obstinément tandis qu'il décachetait l'enveloppe, dépliait son rapport et en prenait connaissance avec une impassibilité mécanique. Son regard rencontra brièvement celui d'Ophélie, puis il se tourna vers Lady Septima. « Laissez-nous seuls. »« Why? Si mon élève a commis une erreur, je dois être mise au courant et prendre les mesures qui s'imposent. » Elle tendit une main autoritaire vers le rapport d'expertise, mais Thorne le rangea dans un tiroir de l'ordonnateur, bien à l'abri des regards, si puissant fût-il. « Si vous permettez, sir, j'aimerais y jeter un coup d'œil, » insista Lady Septima. « Je me suis engagée à vous procurer une traductrice. Ma responsabilité n'est pas en cause. » La coupa Thorne. « Puisqu'il n'y a pas de faute. Il se trouve que vous n'avez tout simplement pas à connaître la teneur de ce rapport. »« Je vous demande pardon. » Ophélie serra les orteils au fond de ses bottes. Il était curieux de constater comment quatre mots pouvaient prendre une signification opposée selon la façon dont ils étaient prononcés. Lady Septima était mortellement offensée. Au fond, Octavio brûlait du même feu intérieur que sa mère. Derrière leur abnégation, il se consumait d'orgueil. Thorne, lui, était un iceberg. Immobile sur son tabouret, il n'affichait rien d'autre qu'une froide indifférence. L'embout métallique de ses doigts pianotait sur la console en bois de l'ordonnateur. Il avait fallu du temps à Ophélie pour comprendre que ces gantelets qu'il portait en permanence étaient forgés dans un alliage alchimiste qui empêchait les électrocutions. Connecter et déconnecter des câbles à longueur de jour n'était pas une occupation dépourvue de risques. « L'expertise de ce manuscrit a été commanditée par les généalogistes, » dit Thorne. « J'ai reçu des instructions, vous aussi. Vous deviez trouver un interprète et vous vous êtes acquitté de cette tâche, bien au-delà de votre devoir. Tout ce qui va se dire dans cette pièce aujourd'hui relèvera de la plus haute confidentialité. » Lady Septima pointa du doigt le galon d'épaule d'Ophélie. « Cette apprentie inexpérimentée dont on ne sait même pas si elle deviendra un jour avant-coureuse serait mieux informée que moi. » Thorne se mit debout. Lady Septima, qui avait pour habitude de toiser le monde de haut, parut soudain minuscule. « Si vous y voyez un inconvénient, je vous recommande de vous adresser directement au généalogiste. » Cet argument acheva de convaincre Lady Septima de ravaler sa fierté. Elle claqua des talons, prit la direction de la sortie, puis pivota une dernière fois vers Ophélie. Son teint avait pâli et ses yeux de braise étaient, à l'inverse, devenus incandescents. Elle semblait se servir de son pouvoir familial pour fouiller les atomes de cet élève qui osait savoir une chose qu'elle-même ignorait. Ophélie soutint ce regard intrusif de son mieux, mais elle fut soulagée quand Lady Septima sortit enfin et referma la porte derrière elle. Thorne tourna la manivelle jusqu'à ce que l'insonorisation fût complète dans la salle de l'ordonnateur. « Une feuille blanche. » commenta-t-il. Ophélie se mordit l'intérieur de la joue. Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, mais cela ne signifiait rien. Que son accent fût celui de Babel ou celui du Nord, le ton de Thorne était en toutes circonstances si monocorde qu'il était impossible de deviner ce qu'il avait à l'esprit. « Je suis désolé. Vous m'aviez demandé de ne pas attirer l'attention de Lady Septima sur nous et je viens de faire l'exact contraire. » Thorn ne lui répondit pas. Il demeura debout et l'observa à distance. Il attendait ses explications. « L'auteur de votre manuscrit, » se lança Ophélie. « Il a vécu, ici même, au mémorial, à l'époque où c'était encore une école. Il a... Je suis certaine qu'il a connu les esprits de famille, je veux dire, lorsqu'ils étaient enfants. Et j'ai toutes les raisons de penser, » ajouta-t-elle après avoir avalé sa salive, « qu'il a connu Dieu aussi. » Elle guetta un changement dans l'attitude de Thorn. Il ne défronça pas un sourcil. « Qu'avez-vous appris d'autre ?» Certes, Ophélie ne s'était pas attendue à ce qu'il la fît tournoyer dans les airs, mais elle aurait apprécié un signe de contentement, fût-il minime. Le parquet craqua sous ses pieds quand elle s'approcha des étagères vitrées derrière lesquelles défilaient dossiers et cadrans. Elle n'eut pas un regard pour eux. Elle ne voyait que son reflet incertain et loin, loin derrière elle, la silhouette d'épouvantail de Thorn. Que je ne suis plus vraiment moi-même. Je ne sais pas depuis quand ça a commencé. Est-ce que c'est d'avoir lu le livre de Farouk? Est-ce que c'est d'avoir absorbé une partie de votre pouvoir familial? Est-ce que c'est d'avoir libéré cet autre lors de mon tout premier passage de miroir? J'ai parfois l'impression d'être habitée par une deuxième mémoire. Rattrapée par une vieille habitude, elle grignota la couture de ses gants et ce qu'elle vit alors dans la vitre des étagères ne lui plut pas. Une petite femme qui, tout au fond d'elle, avait peur. Une moitié de femme. « Una bambina !» lui souffla la voix ironique de Mediana. Ophélie se détourna de son reflet et chercha le regard de Thorn. « J'ai lu le manuscrit. Pas seulement avec mes mains, avec mes yeux aussi. Pendant un instant, j'ai compris ce que ce concierge a écrit. Comme si une part de moi s'était soudain rappelée comment faire. » Elle raconta alors à Thorn tout ce qu'elle avait retenu de sa lecture. L'école de la paix, les séances d'entraînement, le départ pour la ville, les lumières de L, le télescope de A, les disparitions de J et surtout, surtout les derniers mots du concierge. « Il n'est pas comme ces foutus gosses, celui-là. Je dois en causer au chef. » Alors ? Demanda-t-elle. C'était ça que les généalogistes vous ont chargé de trouver? Y a-t-il autre chose dans ce registre qui aurait pu vous échapper? Fidèle à lui-même, Thorn avait posé sa question sur un ton méthodique. Il ne semblait pas remarquer que chacun de ces mots renforçait l'impression désagréable qu'elle avait de n'avoir pas répondu à ses attentes. Ma transe n'a pas été longue. Mais je pense avoir pris connaissance de l'essentiel. Pourriez-vous renouveler l'expérience? Je ne crois pas. Je n'ai aucun contrôle sur ces visions. Il me faut un déclic. J'essaierai encore. Ne put-elle s'empêcher de promettre face au regard fixe de Thorn. Elle prit soudain conscience qu'il n'y avait pas grand-chose qu'elle lui aurait refusé s'il le lui avait demandé. Il était ironique de voir à quel point les rôles s'étaient inversés. L'avait-il aussi ressenti autrefois, cet état d'instabilité permanente? Il y eut un grincement d'acier quand Thorn rompit soudain son immobilité. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-il. Il se dirigea au fond de la salle et ouvrit une porte. Elle disparaissait si bien dans les lambris du mur qu'Ophélie ne l'avait jamais remarquée. Thorn ne lui avait pas demandé de le suivre, mais comme il tardait à revenir, elle finit par le rejoindre. La porte donnait sur un logement de fonction qui était fait du même bois et des mêmes cuivres que la salle de l'ordonnateur. Les lieux s'avéraient tout aussi austères, une armoire, une table, une lampe et un lit. Ophélie remarqua deux habitacles de fantopneumatique. L'un était un vide ordure qui permettait d'évacuer les déchets hors du secrétarium, l'autre renfermait un plat qui contenait lui-même une bouillie informe. On fantomisait la nourriture de Thorn? Il n'y avait pas un pli sur les draps, pas une particule de poussière sur les meubles, pas une chaussette oubliée sur le parquet. En revanche, des bouteilles pharmaceutiques étaient alignées en rang serré sur toutes les étagères, comme dans un cabinet d'apothicaire. Thorne avait plié son corps sur une chaise face à l'armoire dont les portes étaient grandes ouvertes. Un coup de piquet dans chaque genou, le menton perché sur ses mains entrecroisées, son attention semblait entièrement concentrée vers l'intérieur du meuble. Ophélie haussa les sourcils en voyant qu'il avait repoussé de chaque côté les chemises pendues au cintre. Elle les haussa davantage quand elle découvrit une quantité invraisemblable de rubans perforés, épinglés comme une collection de papillons. C'étaient des références de livres générées par l'ordonnateur. Chacune d'elles était barrée d'une croix noire. « C'est quoi cette bibliographie cachée ?» demanda Ophélie. Thorne se leva à son approche si brusquement qu'il faillit coincer le mécanisme de sa jambe. Peut-être était-ce pour lui permettre de regarder à son aise, mais elle croyait plutôt qu'il veillait à maintenir une distance entre eux. Les généalogistes ne connaissent ni le titre ni l'auteur de l'ouvrage qu'ils m'ont demandé de chercher, répondit-il. À mon arrivée, j'ai compris qu'il me serait statistiquement impossible de le localiser à partir de l'ancien catalogue. Il me fallait une base de données digne de ce nom. Plus les groupes de lecture enrichissent le nouveau catalogue, plus les requêtes de l'ordonnateur gagnent en précision et plus fortes sont les probabilités de remplir ma mission. Vous avez sous les yeux la sélection que j'avais constituée. Comme vous pouvez le constater, dit-il en désignant un ruban où l'encre de la croix n'avait pas encore séché, le registre de conciergerie était mon dernier candidat. Ophélie fit glisser les rubans entre ses doigts. Elle connaissait désormais par cœur le langage des perforations et pouvait déchiffrer, presque sans difficulté, les références qui y figuraient. À l'exception des dates d'édition, toutes plutôt anciennes, il y avait là des documents de nature différente, mémoires, essais, manuels, brevets, etc. « C'est irréalisable !» souffla-t-elle. Vous ne pouvez pas trouver un livre parmi des centaines de milliers sans aucune directive. En fait, j'en ai une. Sous l'effet de la surprise, Ophélie arracha un ruban bibliographique de son épingle, endommageant la trame des perforations. Elle s'empressa de le remettre à sa place, mais Thorne ne s'était aperçu de rien. Il détachait, l'un après l'autre, les fermoirs de ses gantelets. Ce document que cherchent les généalogistes ne traite pas de n'importe quel sujet. Il détiendrait une information bien spécifique, une information, dit-il en faisant sauter le dernier fermoir, qui permettrait à celui qui la connaît de devenir l'égal de Dieu. Ophélie considéra longuement Thorne, sans siller, sans parler, sans respirer. « Inutile de préciser, poursuivit-il, que vous ne devez répéter cela à personne, en particulier à Lady Septima. Elle croit que mes recherches servent uniquement la cause du catalogue, et ça doit rester ainsi. » Prise d'un vertige, Ophélie s'assit sur le lit. « Qu'entendez-vous par... « devenir l'égal de Dieu ?»« Je l'ignore, pour le moment, du moins. »« Et vous dites qu'une telle information existerait ici, au mémorial, à la vue et à la portée de tous, sans que personne le sache ?» Thorne posa ses gantelets et dévissa une bouteille d'alcool pharmaceutique. L'odeur étourdissante se répandit aussitôt dans la chambre. Presque personne. Si les généalogistes connaissent l'existence de ce document, c'est que quelqu'un a dû leur en parler. Ophélie fronça les sourcils. Était-ce là l'ultime vérité mentionnée par Ambroise le jour où il lui avait fait visiter pour la première fois le mémorial? Elle n'avait trouvé aucune chambre forte au secrétarium. Et ce n'était pas faute de l'avoir cherché, aussi avait-elle fini par admettre que tout cela relevait de la légende. « Les généalogistes ne m'ont rien dit d'autre, » conclut Thorne. « Si je veux en apprendre plus, il me faudra d'abord faire mes preuves. Et vous supposiez qu'un tel secret se trouvait dans le registre de conciergerie. Ophélie comprenait mieux pourquoi il n'avait pas bondi de joie quand elle lui avait fait part de sa découverte. Au final, elle lui avait appris ce qu'il savait déjà, plus ou moins. « J'en étais convaincu. Vous m'avez détrompé. Il faudra que j'en informe les généalogistes. » Sur ces mots, Thorne se désinfecta scrupuleusement les mains au-dessus d'une bassine. Ophélie remarqua que chaque fois qu'il mentionnait les généalogistes ou qu'il s'apprêtait à le faire, ses sourcils se contractaient davantage, amoncelant des ombres au milieu de sa figure. Il ne les appréciait vraiment pas. « Qui veut devenir l'égal de Dieu ?» lui demanda-t-elle. « Eux ou vous ?»« Je ne détrônerai pas un Dieu pour un autre. Je ne vise qu'un seul but depuis mon évasion, trouver le point faible de ce lâche qui dissimule au monde son véritable visage. » Les ombres entre les sourcils de Thorne s'étaient faites plus denses encore. « Je doute que les généalogistes partagent votre vision des choses. » Ophélie ne savait pas quelle perspective était la plus effrayante. Un monde gouverné par Dieu ou un monde gouverné par des hommes se prenant pour Dieu ?« En effet, » dit Thorne entre ses dents, « ils ne la partagent pas. » Un silence tomba durant lequel Ophélie contint la question égoïste qui lui démangeait les lèvres. Et elle, dans tout ça, cette mission que Thorne s'était fixée, quelle place lui avait-elle laissée? Ce pensionnaire dont parlait le concierge, dit-elle, celui qu'il considérait comme différent des esprits de famille, et si c'était lui, l'autre? Peut-être était-il devenu trop dangereux? Peut-être est-ce pour cette raison que Dieu l'a enfermé dans un miroir? Vous n'avez aucune glace ici, constata-t-elle soudain en promenant son regard sur la chambre. Thorne fit non de la tête. Il avait retroussé les manches de sa chemise pour frotter ses avant-bras à l'alcool, comme s'il voulait en effacer toutes les cicatrices. Mais vous n'en êtes pas devenu un? Un quoi? Grommela-t-il. Un passe-miroir. Ce n'est pas parce que votre pouvoir m'a permis de m'échapper de prison que j'en ai fait une habitude. Vous devriez d'ailleurs vous tenir loin des miroirs, vous aussi. Ajouta Thorne en reposant le flacon d'alcool. Pourquoi? Vous pensez qu'il y a encore un autre que je pourrais libérer par accident? Non. Je ne croirai en l'existence de cet autre que lorsque je l'aurai rencontré. D'ici là, Dieu sera pour moi le seul responsable de l'état de délabrement de notre monde. Le fait est qu'il a pris votre apparence. Il a probablement absorbé votre pouvoir familial et nous ignorons l'usage qu'il peut en faire. En ce qui me concerne, j'aime autant ne pas le voir débarquer dans ma salle de bain. Ophélie prit la peine d'y réfléchir. Traverser les miroirs réclamait une grande honnêteté intellectuelle et, pour ce qu'elle avait vu de lui, ce n'était pas une qualité qu'elle aurait prêtée à Dieu. Cette pensée en amena une autre. Cette nuit où il nous a rendu visite en prison, j'ai remarqué quelque chose de singulier. Dieu n'a pas de reflet. Il possède des milliers de visages différents. Mais face à un miroir, il... Ophélie chercha ses mots, hésitante. Je ne sais pas. C'est comme s'il n'existait pas vraiment. Devenir l'égal de Dieu a peut-être un prix. Les gestes de Thorne se suspendirent au-dessus de la bassine. C'est singulier, en effet. Se disant, il reprit ses frictions énergiques. Ophélie avait beau apprécier le silence, celui qui s'installait entre eux à chaque pause la mettait au supplice, Elle ne comprenait pas pourquoi se sentait-elle plus seule maintenant qu'elle ne l'avait été durant ces trois dernières années. Pourquoi son vide intérieur continuait-il de se creuser en présence de Thorn ? Et lire des objets ? Demanda-t-elle. Ça vous est déjà arrivé ? Parce que si vous avez besoin de conseils... Inutile. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est peut-être à cause de votre mémoire. Mon oncle m'a toujours répété qu'un bon liseur devait s'oublier lui-même. Ça règle la question, décréta Thorn. Je n'oublie jamais rien. De toute façon, Sir Henry n'est pas supposé être un animiste. Un nouveau silence s'installa. Ophélie dut se rendre à l'évidence, elle n'avait aucune aptitude à faire la conversation. Thorn partageait avec elle toutes les informations relatives à son enquête, mais il se renfermait sur lui-même dès que ça devenait personnel. Quand il se saisit de sa bouteille d'alcool pharmaceutique, elle crut qu'il allait enfin la reboucher et la ranger. Au lieu de cela, il désinfecta ses mains une seconde fois, à croire vraiment qu'elles étaient répugnantes. Elles ne l'étaient pas aux yeux d'Ophélie. Elle contempla de loin l'entrelac des veines sur la peau, les longs doigts arqués, l'os qui affleurait à chaque poignet, et soudain, ça lui fit comme une douleur au creux du ventre. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qui lui arrivait, mais regarder ses mains lui donnait envie de hurler. Elle se détourna lorsque le regard de Thorn, jusque-là absorbé par sa désinfection, rencontra le sien. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous devriez rejoindre votre compagnie à présent. Chaque minute que vous passez ici avec moi est un combustible pour les commérages. Je préfère employer ce temps à explorer de nouvelles pistes. Il y avait de la raideur dans sa voix. Ophélie eut le sentiment que c'était plutôt à lui que sa présence posait problème. Elle se remit debout, se heurtant au passage à la table de chevet et renversant la lampe qui y était posée. À son grand étonnement, la lampe se redressa d'elle-même. La table de chevet reprit sa place au millimètre près et le drap du lit se défroissa, jusqu'à ne plus laisser aucune ride. Sir Henry n'était peut-être pas supposé être un animiste. Ça n'empêchait pas son mobilier personnel de reproduire ses manies. C'était une étrange chose pour Ophélie, de songer qu'en dépit de leur éloignement, une petite partie d'elle au moins avait déteint sur Thorn. Elle eut une pensée pour la montre à gousset. Depuis qu'elle la lui avait rendue, elle ne l'avait jamais vue s'en servir. S'en était-il débarrassé à cause de son dysfonctionnement ? Ophélie espérait que non. Perdre l'écharpe avait été suffisamment douloureux. « Qu'attendez-vous de moi à présent ?» demanda-t-elle en désignant les rubans perforés épinglés au fond de l'armoire. « Dois-je expertiser de nouveaux documents jusqu'à trouver lequel détient le secret de Dieu ? Je n'ai moi-même plus beaucoup de temps. D'ici quelques jours, soit je deviendrai aspirante, soit je rendrai mes ailes. Je sais que vous comptez beaucoup sur mon passage en grade, mais disons que l'avenir est incertain. » Thorn remit ses gantelets de métal. « Je vous en informerai demain. Je dois réfléchir encore. D'ici là, faites profil bas devant Lady Septima. Ce que je vous ai révélé aujourd'hui vous expose au danger. Ne vous isolez pas, surveillez vos arrières, et si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, rapportez-le-moi en priorité. » Ophélie fut tentée l'espace d'une seconde de lui parler des problèmes qu'elle rencontrait avec les autres membres de sa division. Elle décida de se taire. Thorn ne la traitait plus comme une petite môme fragile qu'il faut cacher dans l'ombre. Il lui confiait des responsabilités, il lui parlait comme à une égale. Elle avait perdu tout le reste. Elle refusait de renoncer à cela aussi. Entendu. Ophélie n'avait aucune envie de s'en aller. Si rester auprès de Thorn constituait une source de frustration permanente, partir était pire encore. Elle trouvait très irritant de devoir inventer des stratagèmes pour le voir en privé et chronométrer chacune de leurs rencontres. Alors qu'elle posait la main sur la poignée de la porte, un mot la retint. « Ophélie !» C'était si surprenant de s'entendre appeler par son vrai nom, après avoir porté celui d'une autre pendant des mois, qu'elle sentit son estomac sursauter. Thorn allait-il enfin les prononcer, ces paroles qu'elle avait tellement besoin d'entendre? Il fit peser sur elle tout le poids de son regard, s'appuyant des deux poings à la table. « Êtes-vous bien certaine que vous n'avez rien à me dire ?» Prise au dépourvu, Ophélie demeura cramponnée à la poignée de la porte. Une étincelle fulgura alors au fond des yeux de Thorn. « Vous savez où me trouver ?» dit-il en lui faisant signe de sortir.